sachez qu'il y en a s'en ira. On sait le terre où Dieu fut mort et fit, et qui la croix d'outre-mer ne prendra. À peine mais ira au paradis, qu'il y en a en soi pitié, ne remembrance peu. Ô Seigneur, toi qu'aires sa vengeance et délivrer sa terre et son pari. Lui, les mauvais demeureront pas de ça, qui n'aime Dieu, bien ne honneur ne prie. Et chacun dit, ma femme que fera, je ne les rois à nul fuel, mes amis. S'ils sont choix entre folle à tendance, qui n'est ami fort que s'il sa doutance, qui pour nous fut dans la brève croix mis. Or s'en iront s'il vaillant bachelet, qui aime Dieu et l'honneur de ses mots, qui sagement veulent à Dieu parler, et l'immol veut cendre demeurant avec le son de ce nœud dont je mille, qui un second ne fait Dieu en sa vie, et pour si peu.